Nouvelle scène nationale, l'émission. Génération 1. Le temps fort, Génération 1, c'est la vie du lieu pour la suite de cette émission avec Jasmine Lebert et Yannick Moulins, qui lui-même est chargé de communication et des partenariats à l'association La Ruche. Quant à Jasmine, directrice du développement à la nouvelle scène nationale, on lui souhaite la bienvenue. Je crois que c'est la première fois que vous intervenez dans cette émission, Jasmine. Absolument. On vous souhaite la bienvenue, ainsi que tous ceux et celles qui sont effectivement avec nous aujourd'hui. Alors peut-être situer, présenter ce qui se cache derrière cet intitulé « La vie du lieu ». Oui, alors « La vie du lieu ». « La vie du lieu », c'est un terme plus générique qu'on utilise pour ce qui peut se passer à la nouvelle scène nationale, autour de la programmation, autour des formes artistiques et des spectacles qui sont présentés sur nos plateaux et même en espace public. Donc c'est très large, c'est très foisonnant. Et pour Génération, la vie du lieu, c'est comment la nouvelle scène nationale se transforme alors, Génération, tout l'enjeu de Génération, Fariel l'a dit, ce sont des regards croisés sur la jeunesse. Ce sont des formes artistiques qui parlent des générations, de la jeunesse, on a tous été jeunes un jour. Les dialogues intergénérationnels, les pratiques et surtout l'ouverture aux pratiques de la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse a à nous apprendre en termes de richesse culturelle? Et la vie du lieu, a pour objet vraiment d'inviter les jeunes, d'inviter la jeune génération à pratiquer, à proposer, à mélanger les pratiques qui sont des pratiques d'aujourd'hui. Alors, autour de l'axe central de ce temps fort Génération 1 qui tourne beaucoup autour de l'électro et de la pratique du jam style. Rassurez-moi Jasmine, c'est pas excluant pour autant, parce que vous dites les jeunes, c'est d'abord prioritairement les jeunes, mais ceux qui restent jeunes. Exactement, c'est absolument pas excluant. On a donc plusieurs types d'ateliers qui sont ouverts à tous, effectivement, j'insiste. Et je pense que justement, l'idée, c'est d'inviter à croiser, c'est-à-dire à pratiquer, quel que soit l'âge. On n'a pas besoin d'être jeune pour découvrir tout d'un coup qu'est-ce que c'est le DJing, qu'est-ce que c'est le graph, pourquoi pas essayer, ou même le jam style. C'est plutôt, en fait, la part belle faite à ces pratiques-là, qui sont en général issues d'une population jeune et qui en général est confinée à des espaces de pratique où il y a peu d'intergénérationnel. Donc là on est justement sur l'idée de croiser et d'ouvrir, et ça va être assez actif dans nos différents espaces d'accueil de théâtre, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, puisqu'on a donc plusieurs types de pratiques dont je vais vous parler tout au long, en fait, du 6 au 11 novembre, tout au long du temps fort Génération. Alors, un partenariat privilégié avec l'association La Ruche, représentée aujourd'hui au micro de RGB par Yannick Moulins, en charge donc de la communication et des partenariats à cette même association. Peut-être quelques mots de présentation de l'association La Ruche, qui existe depuis 2003, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le territoire de Cergy-Pontoise, un acteur culturel qui est déjà bien intégré et qui a des pratiques multiples sur ce territoire. Tout à fait. Donc bonjour à tous. Oui, La Ruche existe depuis 2003, effectivement. On développe deux actions, donc deux volets d'action, notamment la diffusion culturelle à travers la programmation de concerts, de festivals, notamment un festival qui arrive bientôt, qui est le festival World of Words, donc un festival de hip-hop. Et le deuxième volet, c'est la mise en place de projets pédagogiques en lien avec différentes structures, et cette fois-ci avec la nouvelle scène nationale. Très bien. Alors, un développement qui passe effectivement par cette relation, comme on l'a décrit déjà le mois dernier, comme on le redécrit cette fois-ci, la scène nationale développe, nous, et renouvelle, voire des partenariats avec des acteurs culturels. Quand on dit du territoire, c'est pas exclusif à Cergy-Pontoise, ça peut aussi rayonner sur le reste du département, Jasmine. Oui, on va effectivement partenaire avec le Forum de Vauréal, par exemple. La communauté étudiante aussi, qui est très présente à Cergy et qui n'habite pas forcément Cergy. Donc je pense que si par ce prisme-là, l'idée est de toucher des jeunes qui viennent effectivement de tout le département. Oui. Alors, la vie du lieu, eh ben, il y a un programme très fourni. Ça commence dès le jeudi 8 novembre au Café de la Plage avec un tremplin musical, c'est ça? Alors, ça commence même le mardi 6 novembre, en fait. On a un petit peu élargi la période. On a des actions qui vont démarrer dès le mardi 6 novembre et notamment les workshops proposés par la Horde. Donc, venez vous initier au Jam Style. Donc, on a un atelier dès le mardi 6 novembre à 18h qui aura lieu au Théâtre 95, qui est ouvert à tous. On pourra enchaîner avec une conférence sur la musique électro que nous prépare justement le Combo 95, Bruno de l'Observatoire et la 33 Tours, donc sur une thématique qui est en train de s'affiner sur l'histoire de l'électro qu'on pourra partager ou apprendre des choses ou même venir échanger puisque c'est une histoire qui s'invente, j'imagine, encore. Le mercredi 7 novembre, un autre workshop Jam Style, cette fois qui aura lieu à la Maison de Quartier de Marcouville à 15h. Le jeudi 8 novembre, la programmation démarre proprement dit. On aura donc les scènes ouvertes du Bifor. Donc peut-être Yannick va nous parler. Du coup, le Bifor, c'est tout simplement en fait l'occasion pour nous à la Ruche de pouvoir valoriser les groupes qui depuis 8 ans parcourent nos scènes ouvertes. L'objectif, c'est voilà de mettre en avant une sélection de 4 groupes en lien avec la programmation de l'Observatoire. Du coup, on accueillera certainement Jinin, qui est aussi une artiste que l'on a découvert sur nos scènes ouvertes. On a Cetacé, un groupe qui revient là, qui va bientôt sortir un EP. Nous sommes aussi sur Bladafaya, donc un groupe aussi local. Dans des styles musicaux différents. Alors, on est sur une esthétique reggae, pour être en lien avec la programmation. Mais notre regard porte aussi sur des beatmakers, donc un peu plus électro, qui vont donner une petite touch supplémentaire à ce rendez-vous. Donc voilà. Occasion effectivement de faire découvrir de jeunes talents, de nouveaux talents émergents qui, bien le reste du temps, existent sur ce territoire et qui n'ont pas forcément scène ouverte permanente. Donc c'est des occasions de rencontres et de découvertes pour également le public et là pour aussi plus que ambiancer cette nouvelle saison à la nouvelle scène nationale. Alors, on vient de parler sur du Bifor, tremplin musical, donc du 8 novembre, 19h au Café de la Plage. Mais la programmation s'égrène semaine après semaine. Elle continue, oui, elle continue même pendant, donc là je continue la suite. Donc ça c'est le Bifor de la Ruche, c'est en amont de Maob et Panda Dub, dont on a déjà parlé. Le lendemain, le vendredi 9 novembre, avant le spectacle Crowd de Gisèle Vienne au Théâtre des Louvrais, on a un apéro musical qui démarre au Théâtre 95 et qui correspond aussi au lancement d'une fresque murale qui est le début d'un projet initié et porté par Arroson, où on va proposer, Arroson mène avec nous un atelier qui va se poursuivre en fait tout au long des temps forts génération 1, 2 et 3, donc la réalisation d'une fresque participative à l'arrière du Théâtre 95. Donc là, c'est le début, on va poser le cadre du début de cette fresque qui se terminera à la fin du temps fort génération 3 au mois de mai. Occasion de rappeler que le graphe, eh bien, c'est un art à part entière. Exactement, c'est l'idée de génération, voilà, vous l'avez compris, c'est l'idée de faire une place en fait à des pratiques qui sont considérées, qui ont été considérées comme des subcultures. Le graphe est très présent à Cergy, Arroson porte justement, mène un collectif de graffeurs du territoire et en dehors du territoire très actif, dont on peut voir les œuvres dans différents lieux tout autour. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une carte blanche et d'initier également la pratique du graphe à tous ceux qui veulent. Là aussi, il n'y a pas d'âge, hein, limite, on peut venir graffer avec Arroson, quel que soit son âge. La fresque donc va se poursuivre le lendemain, le samedi 10 novembre, l'après-midi. Et parallèlement, aura lieu au Théâtre 95 de 15h à 18h. Alors, une conférence dansée par Ousmane Sy, qui est un chorégraphe qu'on appelle aussi Baba, qui est un chorégraphe qu'on va retrouver tout au long aussi des temps forts génération, puisque, alors, il présentera son spectacle Queen Blood dans le cadre du temps fort génération 3. En mai. Ousmane Sy, il appartient à une nouvelle génération de chorégraphes hip-hop qui justement a parcouru depuis une vingtaine d'années en fait la pratique du hip-hop et qui affirme aujourd'hui un style vraiment qui lui est propre, afro-style. Il va prendre en janvier la direction du Centre chorégraphique national de Rennes avec son collectif FAIR, donc avec aussi vraiment une nouvelle modalité de gouvernance pour un Centre chorégraphique national. Et Ousmane Sy donc présente Queen Blood en mai, qui est un spectacle avec avec un collectif de danseuses, six danseuses qui a un spectacle qui traite de la féminité et qui affirme un style très frontal en hip-hop. C'est un très beau spectacle et il va être en fil rouge en fait tout au long des temps forts générations, puisque l'idée est de proposer et d'inviter les jeunes ou les moins jeunes qui le souhaitent d'ailleurs à une création participative qu'on présentera en mai en parallèle du spectacle Queen Blood. Donc là démarre le travail. À l'issue de la conférence dansée, il y aura une jam. Alors une jam, c'est justement un temps de danse en fait, hein, partagé. Et ensuite, on commencera le travail pour la création participative. Et tout ça, ça se passe en amont du spectacle Toudaboun à 20h30, pendant que le graphe se continue à l'arrière du théâtre. Le lendemain, dimanche 11 novembre, on aura avant le spectacle Toudaboun à 16h, donc toujours au théâtre 95, d'abord un brunch électro. Donc on pourra venir prendre son brunch au théâtre en écoutant un peu de musique tranquillement après la soirée du dimanche soir. Et à 14h, danser tous ensemble puisqu'on propose un Just Dance géant. Donc ce jeu, je ne sais pas si vous le connaissez, il est magique, il a fait le tour du monde, c'est le jeu vidéo le plus connu en danse. Il s'agit tout simplement de se mettre tout seul ou à plusieurs et de faire la chorégraphie qui est proposée. Et c'est un jeu extrêmement populaire qu'on peut venir soit découvrir, soit pratiquer, soit venir avec ses copains, sa famille, pour s'initier et surtout s'amuser en jouant à Just Dance. Bon, je ne sais plus où donner de la tête avec toutes ces propositions, et en effet, notre vocabulaire s'enrichit d'heure en heure, et ça montre effectivement que quand on parle de culture, eh bien, ou de contre-culture, voire par moments vu et vécu comme de la sous-culture, eh bien que l'ensemble se réunit, y compris pour être célébré dans des lieux de culture plus institutionnelle comme la scène nationale de Cergy-Pontoise. C'est ça aussi l'esprit, l'idée? Ouais, vous avez tout compris, José, je crois. C'est exactement ça l'esprit. Alors bon, bien, j'ai bien noté. Il va falloir, on vous renverra vers le site internet de la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise pour repréciser chaque rendez-vous, chaque lieu aussi, et chaque proposition qui sont proposées dans ce cadre-là. Peut-être en quelques mots sur voler et nous donner à entendre quelques rendez-vous qui auront lieu dans les prochaines éditions de Génération, d'ores et déjà Génération 2, qui se déroulera du 24 au 26 janvier. Il y aura effectivement parmi les intervenants, parmi les artistes à l'affiche de cette deuxième édition de Génération, un certain Kerry James, un artiste de renom. D'ailleurs, on l'a cité curieusement, si pas curieusement, à l'occasion de la disparition d'Aznavour, qui Aznavour avait rencontré il avait des mots tout à fait merveilleux à propos de Kerry James sur son travail d'écriture et de rapport à la langue française, comme il aimait à dire la langue française, c'était son pays, Aznavour. Eh bien, Kerry James, j'ai un peu l'impression que c'est son pays également. Oui, Kerry James explore la langue française vraiment avec ce spectacle à vif qui est un duo entre lui et un comédien, donc avec le metteur en scène Jean-Pierre Barrault, et c'est vraiment une joute verbale, c'est vraiment l'art oratoire sur la question de qui est responsable de la situation dans les banlieues, est-ce que l'État est responsable, oui ou non. Ce spectacle est vraiment politique, et c'est vrai que le temps fort Génération 2 a une tonalité politique très forte, puisqu'on va retrouver ce ton là aussi dans Désobéir de Julie Berès, qui nous présente des comédiennes qui ont grandi dans les banlieues et qui nous invite à partager avec nous leur rage, leur force et leur envie de désobéir. Dans le cadre de Génération 2, un open mic avec La Ruche. Un open mic. Mais c'est bien, open mic, ça marche aussi. Ouais, voilà. Moi, je le fais à la française. On parle. Tout à fait. On parlait justement de langue française, du coup. Open mic, allez. De quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit en fait d'un micro ouvert, tout simplement. Si on fait la traduction, c'est un micro ouvert. Donc l'opportunité, en fait, tout simplement aux rappeurs, aux MC des environs, de pouvoir venir poser, rapper, kicker, comme on peut le dire, sur des instrumentales via des DJ qui envoient des instrus et permettent à tous ces rappeurs de pouvoir s'exprimer, de pouvoir doucement délivrer leur art. Mmh. Voilà. Très bien. Nous avons, je crois qu'il y a aussi un concert surprise de rap qui nous sera proposé par l'Observatoire, mais pareil, hors les murs. Donc le concert est prévu à quel endroit ? Au Théâtre 95 également. Voilà. Et quant à la programmation, pour l'instant, c'est une surprise ? Alors, c'est un concept. La jeunesse aime le suspense, aime la surprise. Et donc, nous avons concocté un concert surprise dont la programmation sera dévoilée très prochainement. Bon, c'est dit. On connaît quand même la date. Ça sera en tout cas entre le 24 et 26 janvier, assurément. Alors ça, c'est pour Génération 2. On poursuit parce que, comme je l'ai indiqué, au cours et au fil de cette saison 2018-2019, il y aura un troisième temps génération, ce troisième temps fort génération. Cette fois-ci, c'est Jasmine qui va nous redire ou préciser qu'est-ce qui sera proposé à cette occasion. Alors le troisième temps fort génération, troisième et dernier de la saison, en mai, alors il y aura le spectacle Queen Blood dont j'ai déjà parlé, du chorégraphe Ousmane Sy avec les danseuses de Paradoxal. Et on ira à l'extérieur aussi avec Zéro Degré, donc qui est un spectacle qui aura lieu dans le quartier des Louvrais, autour du Théâtre des Louvrais, mais qui nous emmènera un peu plus loin, qui fera vraiment un tour de quartier. Zéro Degré, c'est un projet de la Fabrique Royale, à partir au départ d'un collectif de freerunners, la French Freerun Family, qui est un collectif de freerun assez connu, qui a gagné beaucoup de prix. Le freerun, en fait, c'est le parcours avec un K, issu de la pratique des Yamakasi. En général, on situe à peu près ce que c'est. C'est très physique. Voilà, c'est cet art de voler sur les toits des villes, en fait. C'est vraiment une pratique urbaine qui est très dangereuse, hein, qu'on ne pratique que quand on... Voilà, que les jeunes pratiquent avec énormément de temps, d'entraînement au sol, etc. Et qui fascine totalement, puisque ce sont des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est une image de la liberté en milieu urbain. Voilà, donc une pratique qui est devenue, en fait, un vrai spectacle depuis 3 ans que ce projet évolue avec la Fabrique Royale et qui donc donne lieu à un spectacle déambulatoire dans le quartier des Louvrais. Et on aura également DJ Set sur écoute, le spectacle de Mathieu Bauer, qui est un spectacle qui nous raconte le rapport qu'on a à l'écoute, le rapport qu'on a à l'écoute musicale, qu'est-ce que c'est que d'écouter au fond finalement. Génération 3 du 7 au 11 mai 2019. Voilà pour les dates à retenir. Et pareil, comme je vous l'ai indiqué, ces trois temps forts génération qui se déroulent tout au cours de la saison. Pour retrouver en détail le programme, je vous renverrai vers le site internet de la Nouvelle Scène Nationale, tout simplement au www.nouvellescenenationale en un seul mot, tout attaché, .com, nouvellescenenationale.com. Ça sera plus facile pour se retrouver sur ce riche programme qui nous est proposé au cours de cette saison.